Écoutez-moi, papa, maman, je ne veux pas grandir. Les gens disent que je suis grand, je ne veux pas grandir. Je ne veux pas supporter tous vos soucis. Je ne veux pas me dire que c'est ça la vie. Tu te souviens l'autre jour à table, je ne veux pas grandir. Tu m'as dit que j'étais responsable, je ne veux pas grandir. Je veux encore avoir 10 ans et demi. Je ne veux pas me dire que c'est ça la vie. On m'a dit que je devenais un homme, je ne veux pas grandir. Et même que j'étais autonome, je ne veux pas grandir. Je ne veux pas avoir une femme, je ne veux pas avoir 4 gosses. Je ne veux pas payer d'impôts, je ne veux pas avoir d'argent. Je ne veux pas avoir boulot, je ne veux pas vivre tout seul. Oh non, je ne veux pas grandir. Écoutez-moi papa, maman, je ne veux pas grandir. Les gens disent que je suis grand, je ne veux pas grandir. Je ne veux pas grandir. Je ne veux pas grandir.